Bienvenue sur RVL. Aujourd'hui, nous recevons Alain Soral, ou plus précisément, c'est lui qui nous reçoit chez lui à Paris pour son dernier roman, Chute. 28 septembre 2004, rue Vieille du Temple, 3e arrondissement, 19h. La librairie au pays de Cocagne. Une séance de dédicace avec Alain Soral. Comme tant d'autres, pas vraiment. Car une séance de dédicace qui se solde par 7 blessés, dont 2 femmes, c'est un concept qui a priori n'est pas encore déposé. Dans le monde de l'écriture, les intérêts sont les intérêts et business is business. Après cette agression, aucun écrivain ou homme de lettres prendra une position de principe contre l'événement. Pourtant, on se souvient tous de Michel Houellebecq où une grande partie de l'intelligentsia était montée au créneau pour défendre le poète maudit qui n'aimait pas l'islam. Là, rien ou presque. Quelques articles, Libération, Le Parisien pour relater l'événement, des mini-reportages télé, le maire de la ville de Paris, Bertrand Delanoë, qui dira en gros dans un communiqué de presse que la violence c'est pas bien et puis c'est tout. On a connu maire plus répressif. Alors Alain Soral, où en est l'enquête? Au point mort. C'est assez étrange d'ailleurs, puisqu'il y a une agression dans un lieu public, 7 blessés, plusieurs plaintes. Et je ne sais pas exactement comment fonctionne la hiérarchie, mais il y a quelqu'un qui décide à un moment donné de l'utilité ou pas de diligenter une enquête. Alors visiblement, les pouvoirs publics n'ont pas jugé bon de diligenter une enquête. C'est-à-dire qu'on peut ratonner un écrivain dans une librairie à Paris, le menacer de mort, passer à tabac ses lecteurs sans que ça pose problème quand il s'agit de certaines milices, parce que si ça avait été d'autres, je pense que ça faisait le journal de 20h. Et ce qui est le plus étrange, je pourrais dire que c'est drôle si ça ne s'adressait pas directement à moi, c'est que c'est moi qui ai été convoqué par la police, moi qui ai été interrogé, et c'est aujourd'hui finalement moi qui me retrouve au tribunal, à la 17e chambre correctionnelle, pour incitation à l'aide raciale. Voilà, envoyé par le procureur de la République. Mais quand vous dites pas d'enquête, enfin vous avez porté plainte, j'imagine. Oui, j'ai porté plainte, mais il n'y a pas eu d'enquête, puisque je crois que la procédure, c'est qu'il y a... Il y a quelqu'un qui décide à un moment donné s'il estime nécessaire de diligenter une enquête. Et là, il n'y en a pas eu. Alors, j'ai discuté avec mon avocat en disant si je me constitue partie civile, ils sont obligés de diligenter une enquête, etc. Et cette personne qui est un initié m'a dit de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a des ordres donnés en haut lieu pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Si je m'énerve pour qu'il y ait une enquête, il y aura une fausse enquête qui n'aboutira à rien, on le sait déjà. Je sais par un policier qui avait en charge aussi, qui m'a dit de toute façon c'est politique, on peut rien faire pour vous, le mieux c'est de vous planquer quelque temps. Et puis j'ai appris d'ailleurs depuis encore mieux, c'est de toute façon on sait exactement qui a fait le coup, on a toutes leurs identités, mais après c'est une décision politique ou pas de bouger, on a hâte de pas bouger, si un jour on doit bouger sur le dossier, effectivement là il y a longtemps qu'on a tous les noms. Quoi. Voilà. Alors pour revenir, avant de revenir sur les causes de cette agression, on va revenir à un complément d'enquête où on avait le droit à un reportage sur la Ligue de défense juive. Bon, il y avait quand même un petit mérite dans cette émission, c'est la première fois qu'on avait le droit à un reportage, un petit reportage, et on apprenait de façon un peu cocasse que ces gens s'entraînaient dans des locaux qui appartenaient au ministère de l'Intérieur, je crois. Vous avez déjà la réponse à la question précédente, alors. Oui, d'accord, mais au bout d'un moment, on est obligé quand même de se poser la question d'une étrange dichotomie entre l'état de droit et une milice communautaire, parce que c'est comme si José Bové, d'un coup, se mettait à faire pousser en secret des cultures d'OGM, ou allons plus loin, comme si Sarkozy finançait des écoles djihadistes à la sauce iranienne en banlieue parisienne. Ouais, ça peut se faire d'ailleurs. Oui, quand on s'intéresse à ce dossier dangereux, un peu gênant, on se rend compte effectivement que certaines milices communautaires sont entièrement appuyées, protégées par le ministère de l'Intérieur, et que visiblement ils travaillent la main dans la main. C'est-à-dire que quand vous vous faites ratonner par une milice communautaire qui est interdite, je le rappelle, en Israël et aux États-Unis quand même, et ben finalement c'est un peu comme si c'était le ministère de l'Intérieur qui vous avait botté le cul. C'est-à-dire la police d'État, la police politique d'État, parce que vous avez franchi une certaine ligne sur certains sujets pour vous faire comprendre qu'à partir d'un certain niveau de liberté de discours, vous êtes en danger physique et même en danger de mort, puisque j'ai eu le droit de menace de mort. Et puis un commando de 35 types qui vient avec des marteaux, des matraques, des casques, peut-être même du vitriol pour vous faire taire, je pense qu'on peut très bien imaginer que si ça ne se passe pas bien, vous puissiez vous retrouver dans le coma ou mort. Hein. C'était tout à fait jouable. Mmh, voilà, ça se passe comme ça en France. Quoi. Ça va loin quand même. Voilà. Oui, ça va loin, bien sûr. Mais tout le monde le sait d'ailleurs que ça va loin. C'est pour ça qu'il y a un régime de terreur sur le sujet en France. Et les gens d'ailleurs, les gens des médias, les gens de l'intelligentsia, se taisent sur ce sujet tout simplement parce qu'ils ont peur, c'est tout. Hein. Oui, alors, Alain Soral, est-ce que c'est pour ça que lors d'une entretien, lors d'un entretien entre Ardisson et Dieudonné, vous avez été jugé par contumace, vous n'étiez pas là, vous étiez l'accusé par rapport. C'était marrant, c'était une sorte de tribunal télévisuel populaire, hein, où il y avait le grand procureur Ardisson, mandaté par je ne sais pas qui, pour déclarer solennellement que j'étais inévitable sur le service public. C'était étrange. Ce qui est plutôt étonnant de la part de quelqu'un qui vous a jusqu'à présent invité. Oui, on peut faire remarquer qu'Ardisson m'avait invité pour mes quatre derniers livres, que visiblement c'est qu'il aimait bien ce que j'écrivais, que c'est un type que je connais depuis 25 ans, et que si, pour pas tourner autour du pot, il était le dernier à pouvoir se permettre de me juger sur certains sujets, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a fait le sale boulot, parce que c'est souvent ceux qui ont le plus de choses à se reprocher, qui vont le plus loin dans la délation et la soumission. C'est un schéma connu, quoi. Alors justement, quel est ce sujet que t'es Ardisson ? Sur cette espèce de nébuleuse bizarre qui s'appelle la question de l'antisémitisme, qui est en fait de savoir, je crois que Dieudonné a donné une réponse là-dessus, il a dit « j'ai compris aujourd'hui qu'un antisémite, c'est un type que le CRIF n'aime pas ». Voilà, alors il y a des instances communautaires qui n'aiment pas certaines personnes, notamment comme moi, parce qu'elle dénonce le communautarisme. Et visiblement, sur le service public, un animateur de télévision qui, soi-disant, parle de... le titre de son émission, c'est « Tout le monde en parle ». Visiblement, tout le monde en parle sauf lui, maintenant. Visiblement, sa mission de service public, c'est effectivement de marcher au pas de certaines institutions communautaires, quoi. Voilà, on paye la redevance, ça s'appelle le service public, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Voilà. Pourquoi le choix de cette forme ? C'est plus facile d'écrire roman quand on raconte son histoire familiale ? C'est plus facile d'écrire roman pour passer à autre chose ? Parce que là, vous êtes passé à autre chose. Vous appelez plus du tout, vous appelez Robert Gros maintenant. Ça peut rien avoir. Là. C'est le héros qui s'appelle Robert Gros, c'est pas forcément tout à fait moi. Non, j'avais déjà, avec Misère du désir, là, mon précédent bouquin, j'avais fait un demi-essai, demi-roman. Et je m'étais amusé donc à écrire des parties autobiographiques et romancées. C'est un exercice qui n'est pas le mien d'habitude. Et non seulement ça m'avait plu, mais en plus pas mal de lecteurs m'avaient dit qu'ils aimaient bien que c'était une voie que je devrais creuser. Alors je me suis dit, le prochain bouquin, je vais faire carrément un roman, ce qui est agréable, parce que les essais, c'est du concept, c'est un peu aride. Puis j'avais un peu tout dit par le concept, donc je cherchais une autre manière de dire un peu les mêmes choses, mais par le recours à l'émotion, au vécu, etc. Donc là, je me suis dit, je vais basculer dans le roman intégral, et effectivement, je continue à dérouler la même pelote, quoi, c'est-à-dire de raconter pourquoi un type qui est journaliste et qui se pose les questions que doit se poser tout Français qui a été élevé à l'école de la République, pourquoi ce type se trouve à rencontrer des difficultés. Donc en fait, ça parle de moi, mais ça parle, je pense, de tout journaliste intègre élevé à l'école de la République qui essaye à la fois de sauver son gagne-pain et son honneur, quoi. Et on voit que c'est aujourd'hui très inconciliable. Alors, bon, beaucoup de personnages. On a Gros BD qu'on peut reconnaître, William Benamon, Popovic, Ali, Julien, Choucroun, Robert Gros, Viscard. Je vais poser une question abrupte, mais j'ai comme l'impression que Robert Gros, ce serait vous il y a 20 ans, et Viscard, ce serait vous dans 20 ans. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Robert Gros, c'est moi, ouais, et Viscard, c'est le mélange de deux personnages, l'un que je connais, l'autre que je ne connais pas. J'ai fait une synthèse entre un philosophe marxiste que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Kluskar, que j'ai mélangé avec un autre intellectuel plus sulfuré qui s'appelle Monsieur Forisson. Alors ça, je me suis dit, tiens, je vais faire un Kluskar forissonné. Je l'ai appelé Viscard. C'est un espèce de marxiste à tendance révisionniste. Voilà, je me suis amusé à créer un personnage de maudit. Comme ça. Un infréquentable, un maudit. Quand on crée un maudit, il faut qu'il y ait des raisons pour qu'il soit maudit. Et je pense que le truc qui fait de vous un maudit intégral dans le monde occidental aujourd'hui, c'est le sujet interdit, là, celui-là. D'accord. Je te laisse prendre la suite. Dans votre livre, vous faites vivre votre héros chez lui, à l'hôpital, avec sa femme, au boulot, avec son éditeur, ses collègues, et puis il y a les copains de bistrot. Alors pourquoi finalement ces trois lieux, quoi, la maison, le bistrot, le boulot, n'y a-t-il pas autre chose à vivre pour lui? Est-ce qu'il est cantonné dans cette sphère-là? Ben, je crois que c'est symbolique des espaces de vie d'un espèce de clerc salarié du journalisme. C'est le journal où il fréquente ses collègues, sa vie intime avec sa femme, et puis une espèce d'endroit où il y a encore un peu de débat, puisque c'est qui est la traduction française du bistrot, où le type essaye de vivre ce qu'il ne peut plus vivre au journal, parce que c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, le seul moment où il y a vraiment de l'information qui circule et du journalisme, et où le type fait de l'éditorial, c'est quand il discute au bistrot avec ses personnages emblématiques, que sont le patron d'origine yougoslave, le vieux prof défroqué, le coursier arabe, qui pour moi incarne un peu les restes de la vieille France que j'aime bien, c'est-à-dire la France des mélanges sociaux, des origines diverses et du dialogue autour du verre de rouge. Donc ça, il y a quelque chose de presque politique dans ce positionnement. Alors il y a le bistrot, mais il y a aussi Internet, hein, en termes de relais d'information, puisque votre roman est entrecoupé de pas mal de passages tirés extraits d'Internet. Oui, l'Internet, c'est le contre-pied c'est le complément du bistrot. C'est-à-dire que la réalité, l'échange réel, bon, ça passe au bistrot, et l'information valable est sur Internet, puisqu'on ne peut plus la trouver ailleurs. Donc l'idée, c'est que ce journaliste qui est journaliste professionnel, sait qu'il pisse de la copie et qu'il vend de la merde. Et pour exister un peu en tant qu'homme d'information, et ben, il passe son temps libre, ses nuits sur Internet, comme pendant la guerre. D'ailleurs, je l'explique assez précisément dans le livre, je crois que c'est même pas caché. Comme pendant la guerre, on écoutait Radio Londres, parce que Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Alors justement, en parlant d'Internet, nous avons recensé plusieurs extraits, parce qu'il y en a... Il y en a plusieurs dans votre livre. Le premier, c'est un texte que vous recevez par Internet, qui est une apologie des années 60, La vie au grand air. C'est un vrai texte. Hein. Moi, j'ai pris tout ce que j'ai mis dans le bouquin qui est censé être sur Internet, c'est des vrais trucs que j'ai trouvés, que j'ai compilés et que j'ai distribués dans le livre. Alors vous regrettez cette époque des années 60 où on vivait dehors, où il n'y avait pas d'ordinateur, justement, paradoxalement à ce qu'on est en train de dire, où la liberté aujourd'hui sur les ordinateurs est un peu chez soi reclus. Vous regrettez les jeux de ballon dehors? Ouais, enfin, il y a toujours un petit côté de nostalgie de l'enfance. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai rien contre le progrès technique et technologique, et je pense que le téléphone portable est un apport, Internet aussi. Mais ce qui est dommage, c'est que ça s'accompagne d'une... sans que c'est d'ailleurs de lien obligatoire, ça s'accompagne d'un refroidissement des rapports humains, d'un flicage aggravé dans la vie de tous les jours. Je vois bien que moi, quand j'étais jeune, j'avais une mobylette, le casque n'était pas obligatoire, l'assurance coûtait, je me rappelle, 150 balles. Il y avait une espèce de fraîcheur, et pourtant il n'y avait pas plus de morts, pas plus de blessés. Aujourd'hui, il y a des pistes cyclables, on doit rouler dans des endroits balisés, il faut avoir un casque. C'est beaucoup plus notre monde est beaucoup plus fliqué, beaucoup plus cher, beaucoup plus froid et beaucoup plus névrotique et tendu que ce qu'il était au moment de mon adolescence. Et je pense pas que c'est parce que c'est toujours mieux avant, je pense qu'il y a des périodes, quoi. On est dans une période on entend de plus en plus parler des 30 piteuses, on est dans une période très dure. Alors effectivement, il y a quelques petits îlots de résistance ou d'espoir, et notamment la technologie, c'est-à-dire les portables, qui fait qu'on peut communiquer plus facilement que du temps où on avait un téléphone avec vaguement un répondeur automatique, parce que moi j'ai connu le début du répondeur automatique en 80, avant ça n'existait même pas. Et puis Internet, où vraiment là, je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ne tiennent nerveusement que parce qu'ils surfent sur le net. Hein. C'est ce qui est un peu angoissant, parce que c'est quand même des gens tout seuls chez eux la nuit devant un écran. Quoi. C'est pas très festif, pour dire un mot. On va rester dans Internet. Le deuxième extrait que nous avons sélectionné, c'est ce sont des paroles en fait de rap anti-français. Alors vous avez quand même, on va dire, insisté pour mettre carrément deux chansons en entier quasiment. Moi j'ai trouvé ça sur Internet aussi, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait la compilation. Il y a un site qui a mis des extraits de chansons de rap pour montrer de la haine incroyable de la France et des Français, l'appel au meurtre et la violence. Et moi ce qui m'a étonné, c'est à quel point ça pose pas de problème quand. Ce qui est marrant, c'est qu'on est en France et en fait que quelqu'un d'origine immigrée insulte la France et les Français, ça pose aucun problème, c'est la liberté d'expression. Par contre, si un Français prétend faire, par exemple, une soupe aux cochons, un truc comme ça, là, tous les pouvoirs politiques lui tombent dessus. Et c'est quand même très étrange, et je pense qu'un jour, d'autres sociétés qui se penchent sur notre époque seront hallucinées, comme quoi la chose la plus réprimée en France quand on est français, c'est de se revendiquer français, de se battre pour la France, c'est la chose la plus interdite. C'est-à-dire qu'il faut être... on a droit de faire l'apologie systématique de toutes les transgressions, de toutes les destructions de notre communauté nationale, et quiconque veut la défendre ou se sentir solidaire ou avoir peur de son délitement est pratiquement en danger, et pas en danger face aux communautés agressives, mais en danger, c'est le procureur de la République qui pose problème. Vous voyez, c'est la République a pour mission d'accélérer la destruction de la République. C'est quand même très étrange, quoi. Il faut se poser des questions politiques sur ce sujet. Ben, la réponse politique, ça a été le 21 avril dernier, il me semble. Oui, ça fait oui, sans doute que tout ça est lié, quoi. Mais c'est étrange, une république qui a pour mission de tuer la république. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont les fonctionnaires qui sont en place, leur mission, c'est systématiquement détruire le sentiment républicain et de persécuter les gens qui se réclament de la république. C'est très étrange. Je ne sais pas à quoi ça peut être comparé dans l'histoire ancienne, quoi. Comme je sais pas, ça serait comme une monarchie où on passe son temps à détruire l'aristocratie, le roi, etc. C'est bizarre. Alors, un autre extrait internet un petit peu rigolo, Patrick. Oui, on apprend entre autres que enculé de Taras, d'après jugement rendu au tribunal, ne serait pas une insulte raciste. Oui, ça c'est marrant. Hein. Ce qui est marrant, c'est l'argumentaire du juge, là. Oui, je l'ai mis sur internet parce que je trouve ça marrant. Visiblement, il y a deux marchands à la sauvette aux puces, un arabe et un juif, qui ont dû s'engueuler, et l'arabe a traité le juif d'enculé de Taras, et l'autre, en bon procédurier, l'a envoyé au tribunal, hein, évidemment, parce que maintenant tout est sujet à procédure, à l'américaine, alors qu'on se traite d'enculé de Taras, de PD et d'enculé toute la journée, en bagnole, en mobilette, et on sait très bien que ce sont des insultes génériques, pratiquement sans contenu et presque interchangeables. Et le juge a quand même argumenté pendant des pages et des pages pour dire que c'était pas une injure raciste. Il a parfaitement raison d'ailleurs, c'est que l'autre aurait pu dire enculé de Taras à un type de sa propre confession, et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du papier, qui fait quand même 3 ou 4 pages d'argumentaire, on voit que le parquet, donc le type a été relaxé, mais le parquet a fait appel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du parquet, alors que vraiment déjà la justice est surchargée, on a quand même des choses sérieuses à traiter. Je sais pas, il y a quand même des homicides, des viols, et ben là, c'est le parquet fait appel pour que ce pauvre arabe qui a traité un type qui côtoie au quotidien en plus, puisque ce sont deux marchands ambulants, pour qu'il soit renvoyé au tribunal parce qu'il a osé dire enculé de ta race. Et évidemment, on comprend bien que derrière, parce que c'est une injure antisémite, vous en doutez bien, puisqu'il se trouve que la race de l'autre, c'est qu'il est juif. Alors effectivement, il faut absolument qu'il soit condamné au tribunal parce qu'il a dit enculé de ta race. Si c'est comme ça qu'on croit lutter contre l'antisémitisme, je me demande s'il n'y a pas une vraie perversité des fonctionnaires de justice qui finalement étaient les mêmes qui collaboraient sous Pétain et qui essayent de faire monter par tous les moyens la tension communautaire, et que ce n'est pas une vraie stratégie, parce que c'est tellement maladroit que je finis par penser que c'est volontaire. D'ailleurs, ça me rappelle un peu Ardisson, ça, vous voyez. C'est marrant, je fais une association d'idées, quoi. Je me demande s'il y en a qui n'ont pas en faisant semblant de faire les amis de ces soi-disant communautés en difficulté, si leur but, c'est pas systématiquement de jeter de l'huile sur le feu et de faire monter la haine de la majorité des Français contre cette communauté en la surdéfendant. Vous voyez, je finis par penser que c'est une stratégie dialectique. Oui, d'ailleurs, enfin, il y a effectivement la question qu'on peut se poser par rapport à ça, et que vous posez d'ailleurs dans le livre, c'est dans quelle mesure ces gens qui prennent la défense systématique ou qui font de la commémoration de la Shoah vraiment une obsession, un rendez-vous annuel, et pour qui c'est très important. Vous dites ça m'inquiète au sens où ça confine à la nostalgie. Oui, on a l'impression que ça leur manque, oui. C'est bizarre. Et surtout, ceux qui font ça, souvent, n'ont aucune légitimité. C'est bizarre. C'est très étrange. D'abord, c'est stratégiquement bête. C'est très contre-productif. Et puis, il y a une tartufferie, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que les gens qui parlent de ça, surtout quand on, par exemple, je ne vais pas reparler d'Ardisson, mais quand on voit souvent le discours officiel et le discours privé, on dirait que c'est exactement... Oui, Tartuffe, d'ailleurs, est le bon exemple. C'est comme si on parlait d'une... D'abord, on parle d'une religion, visiblement. La Shoah est devenue une religion d'État. Et elle est traitée par les clercs avec le même mépris et le même double langage qu'une religion d'État en déliquescence, c'est-à-dire que personne n'y croit, on fait semblant, quoi. Et il y a ce climat-là en ce moment, vous voyez, c'est un, c'est devenu la nouvelle religion d'État, et deux, les prélats qui sont censés en être les, comment dirais-je, les défenseurs, les apologètes, en fait, sont des décadents pervers qui en font d'autant plus en public qu'en privé, vous voyez, ils sont en fait des curés pédophiles de la cause, quoi, vous voyez. Il y a vraiment ce climat très très malsain, et j'ai essayé d'aider les gens de la communauté concernée à en prendre conscience, et malheureusement ça s'est retourné contre moi, et on m'a bien dit, ne mets pas les pieds là-dedans, de toute façon tout ça finira mal, et c'est bien fait pour eux, vous voyez, en gros c'est à peu près ce qu'on m'a dit, hein. Donc je sais pas, là, je suis un peu perplexe, je veux dire. Si on vous suit, en fait, c'est ceux qui appellent sans arrêt ou qui crient à l'antisémitisme, c'est quasiment un complot pour faire monter l'antisémitisme, enfin, c'est pas un peu complotiste comme vision tout ça? Je sais pas, il y a une espèce de... Je pense qu'à certains moments, il y a une espèce de maladresse et de dynamique perverse qui se mettent un peu en place toutes seules, qui sont une espèce de mécanique autodestructrice. Et en tout cas, l'effet est là. C'est-à-dire que plus on en parle, plus ça crée la suspicion d'une domination communautaire, d'un deux poids, deux mesures, plus ça agace le populo. Et moi, j'ai dit quelque chose de simple, c'est quand on se rend compte qu'un médicament ne marche plus. La pire chose à faire, c'est d'augmenter les doses. En général, il faut changer la posologie. N'importe quel médecin le sait. Et là, on a un médicament qui ne marche plus. C'est-à-dire que les gens sont agacés, ils en ont marre. Et on ne fait qu'augmenter les doses en disant, si on va augmenter les doses, ça va se remettre à marcher. Et plus on augmente les doses, plus les gens disent, il y en a marre, ça suffit, il y en a marre. Quoi. Et je me dis, les gens qui continuent d'augmenter les doses, soit sont très très bêtes, soit ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient leur vrai but. Hein. Alors, est-ce qu'on est dirigé et encadré par des gens si bêtes? Ou est-ce que les gens qui jouent à ce jeu-là n'ont pas derrière une vraie stratégie perverse au deuxième degré, quoi. Et là, je pose la question. Il y a peut-être aussi une part d'inconscient, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. On va revenir au texte internet. Il y a un autre texte sur les Jeux Olympiques de Paris, enfin la notoire défaite de Bertrand Delanoë pour organiser les Jeux en 2012 à Paris. Vous prenez un papier avec un point de vue. Vous pouvez nous en parler, parce qu'on en a parlé dans aucun média, on va dire, centriste. Oui, je vois que vous faites allusion. C'est un texte que j'ai trouvé sur internet et que j'ai mis dans le bouquin, où on dit qu'en fait, ce qui a fait perdre Delanoë de deux voix, je crois, par rapport à la candidature de Londres, c'est que les lobbyistes anglais, très intelligemment, ont distribué aux électeurs musulmans du CIO des photos de Bertrand Delanoë, bras dessus des drag queens à la Gay Pride, et que rien que ça a suffi à faire basculer suffisamment de voix pour que Paris perde. Et ce que disait l'article, c'est est-ce qu'il était très malin de confier, comment dirais-je, la direction de la délégation parisienne à un type aussi marqué communautairement, quand on sait que l'homosexualité militante est considérée encore comme un péché par des tas de pays dont la religion d'État, elle, est l'islam. Et l'article disait, c'est ça, ça a été la stratégie de lobbying de l'Angleterre, et c'est ça qui, en dernière instance, a fait perdre Paris. Et l'article dit que Delanoë en est d'autant plus furibard qui sait que c'est ça, mais qui ne peut pas le dire. Parce que sinon, ça serait dire, bah oui, t'avais qu'à pas t'afficher avec des drag queens. Ou alors, de toute façon, effectivement, l'homophobie est encore une valeur morale dans l'État et l'État de pays. Ce qui est, oui, c'est dans la religion catholique aussi, pour ceux qui... Parce qu'il paraît qu'on a le droit d'adhérer à des valeurs au nom de la religion. Et ben, récemment, on a eu le procès d'un député français qui estime de son droit, de son devoir de dire que pour lui, l'homosexualité était une sexualité dévoyée, parce qu'il est catholique, et que c'est de la religion catholique. Voilà. Et c'est vrai que... moi, tout ça, je trouve ça amusant, je m'en fous, hein, je veux dire, mais effectivement, il est possible que Paris ait perdu les Jeux Olympiques à cause d'une photo de Delanoë, bras dessus, des drag queens. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup dans les journaux, etc., et ça n'a pas été dit une seule fois. Bah, c'est très politiquement incorrect de le dire, parce qu'en plus, on n'y peut rien, parce qu'on aurait pu aussi attaquer au tribunal de La Haye les pays musulmans pour homophobie pendant qu'on y était, vous voyez, mais quand on veut essayer de créer un événement planétaire. Un peu collégial comme ça, il faut respecter chaque continent, chaque type, je dirais, d'État. Il y a des États plus ou moins religieux. Et là, visiblement, Delanoë n'a pas eu la finesse de comprendre que c'était qui mettait en danger sa propre démarche. Et c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. C'est-à-dire que politiquement, ça n'a peut-être pas été très fin, ça. Mais bon. Ou alors les Anglais ont été très très malins. Hein. D'accord. On va faire une petite pause avec un petit questionnaire de Proust détourné. C'est un questionnaire type. Votre meilleur défaut, Alain Soral ? L'honnêteté. Votre pire qualité ? Je crois que c'est l'intelligence, hein, je veux dire. Le pays où vous aimeriez vivre si vous deviez quitter la France. C'est assez paradoxal. Je serais tenté de dire l'Iran ou les États-Unis, l'un ou l'autre. Effectivement. Le dernier pays où vous pourriez vivre, le dernier. C'est difficile à dire parce que c'est souvent en s'appuyant sur les visions médiatiques. Les pays vraiment je supporterais pas. J'ai envie de dire Israël, mais ouais quand même Israël, je crois que je pourrais pas. Votre drogue du moment. Dans la drogue du moment, qu'est-ce que c'est ma drogue du moment? C'est la lecture, on va dire. Voilà. Votre écrivain français préféré? Et bien aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps à y venir, mais je pense que c'est Louis Ferdinand Céline. Et c'est depuis 2-3 ans. J'ai mis beaucoup de temps à admettre que c'était lui le meilleur. Quoi. La raison ou la probabilité de votre mort? La raison ou la probabilité de ma mort, je pense que je pourrais être éliminé par un commando, je crois, étranger. Qui, pour des raisons de positionnement sur le conflit moyen-oriental, par exemple. Sérieusement? Non, je pense pas que ça puisse en arriver là, je suis quand même un homme de lettres. Mais en tout cas, les ennuis sérieux que j'ai eus, parce que j'ai eu quand même tous les emmerdeurs qui me sont tombés sur le dos. Hein. J'ai eu les gays militants d'ACT UP, les féministes hystériques des chiens de garde. Donc j'ai, comme je me suis régalé aux communautés par les textes, et toutes les communautés m'ont emmerdé. La seule qui m'a pas emmerdé bizarrement, c'est les musulmans. C'est censé être les plus méchants actuellement. C'est les seuls qui m'ont dit vos critiques sont légitimes et nous devrions en tenir compte. Donc ça c'était assez drôle parce que j'ai découvert que finalement c'était les seuls qui étaient capables d'autocritique, bien plus que les gays, bien plus que les féministes. Et puis alors les plus violents de tous, qui sont censés soi-disant être les plus gentils, effectivement les extrémistes communautaires juifs. Alors eux c'est directement menace de mort, passage à tabac. Procès, enfin, là, sont effectivement. Très bien, on enchaîne. Le film que vous avez le plus vu, en nombre de fois, 10 fois, 15 fois, un film qui vous vient à l'esprit. Donc le bouquin est très pessimiste et très noir, mais moi non. Moi je suis en pleine forme là. C'est donc une bonne technique d'écrire un livre et de se tuer dans un livre. Ouais, mais je pense que ça sert à ça l'écriture. C'est quand même une. C'est on dit que c'est la catégorie de la conscience bourgeoise, et c'est ce qui vous permet, ça remplace, je pense que dans le temps on allait à confesse, non? C'est une catégorie, une fonction de la conscience bourgeoise et de l'individu moderne. Et moi je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour, ne pas être profondément atteint par tout ce qu'on avait essayé de me faire pour me détruire. Donc c'est mon bouclier, quoi. Oui, parce que votre personnage, lui, en donne une vision légèrement différente. C'est vraiment, il envisage l'écriture comme la revanche du perdant. Et même ça, c'est pas suffisant à lui pour s'en sortir. Quoi. Oui, à part qu'il dit à un moment donné, le perdant que je suis n'a même plus désir de revanche. Voilà. Il cherche juste l'attitude et l'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un certain niveau de violence et de brutalité et d'acharnement, les gens disent je voudrais juste ne plus souffrir. C'est-à-dire que c'est là d'ailleurs où le vrai suicide, c'est celui-là. C'est je veux ne plus sentir de douleur, je veux sortir du jeu, je veux que ça s'arrête. Quoi. Et c'est vrai que dans le bouquin, il y a les deux choses. Il y a celui qui écrit pour essayer de continuer à exister malgré le diktat majoritaire qui est vous n'existerez plus au sens, je sais pas, platonicien du terme. Et puis à la fin, il dit même ça m'intéresse plus, je voudrais arrêter de souffrir. Et il est dans la prise de médicaments. Et à la fin, il est dans un suicide d'ailleurs assez moderne. C'est du Mishima nouvelle formule. Je suis assez content de la fin. Oui, c'est surprenant. On va pas la dévoiler cette fin. J'ai inventé une sorte de nouveau seppuku. Donc je suis assez content. Ouais, alors justement, la question qu'on se pose, puisque lui-même, avant votre personnage, votre double dans le roman, qui a une fin des plus surprenantes, on vient de le dire, en gros envisage deux possibilités face à la France, au monde dans lequel on se trouve. En gros, il y a baisser son froc et collaborer et se soumettre, ou hiberner patiemment en attendant la révolution. Alors la question que nous posons, c'est Alain Soral, qui vous nous dites ressortir plutôt apaisé de ce livre. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, après ce livre? Bah, pour, j'avais fait une, J'ai sorti une boutade, j'ai dit bah, je vais passer à l'action. Et on me dit quelle action, bah, je vais quitter le pays. Ça, c'était pour rire. Hein. Je n'ai pas spécialement l'intention de quitter le pays. Mais c'est sûr, c'est que je reçois beaucoup de correspondances de gens, de Français, d'expatriés, qui me disent faites comme nous, barrez-vous. De toute façon, c'est foutu. Alors, ils m'écrivent du Japon, du Canada, des pays arabes, des États-Unis. Il y a beaucoup de mes lecteurs m'écrivent de l'étranger. C'est assez marrant. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire essayer de commenter la réalité, comme je le fais avec vous, là, avec l'espoir que même si les médias dominants m'ont fermé toutes les portes, ce dont je m'enorgueillis, parce que quand je vois ce qu'ils sont devenus, de toute façon, à la limite, pour moi, c'est même plus négociable. C'est-à-dire que je n'ai aucune tristesse de ne plus être dans les médias, parce que je n'ai plus rien à y faire. Et à un moment donné, j'ai bien compris le piège qui m'était tendu. C'est-à-dire, on me disait, si tu mets un peu dans ton vin, tu peux faire le guignol de service, le macho, etc. Et j'avais pas envie de ça. Moi, j'ai jamais cherché de travail. Donc, je continue à faire mon travail de critique et d'analyse de la réalité. Je le fais plus sur les médias dominants parce que c'est plus possible. Et heureusement, émergent en ce moment des médias alternatifs comme le vôtre. C'est-à-dire que ça, sur Internet, ça explose. Mais je pense que moi, je suis né dans l'underground. C'est-à-dire les années 70, on ne jurait que par l'underground. Le système était considéré comme quelque chose de honteux. Et d'ailleurs, j'ai profondément ces valeurs en moi. La réhabilitation du système est venue avec les années 80. Hein. Et aujourd'hui, finalement, on repasse à l'underground comme dans les années 70, c'est-à-dire que un honnête homme n'a rien à faire chez Drucker. Voilà, ben moi, c'est profondément, ça a toujours été ma vision. Et finalement, ben, j'ai fait une petite parenthèse par les médias à un moment donné parce qu'ils m'ont invité, je dis jamais non, mais je me sens très bien dans l'underground comme je me serais très bien senti à Londres pendant la guerre, vous voyez. C'est sûr que j'aurais pas été comme Jean-Paul Sartre ou Flore pendant toute l'occupation à traduire Heidegger. Hein. On comprend très bien ce que vous voulez dire, mais plus concrètement, vous comptez aller dans un parti politique, monter une association, que faire concrètement? Parce que là, c'est, j'ai envie de dire, le prenez pas mal, mais c'est bien joli de donner des interviews, etc. Mais si ça bouge pas, l'idée c'est que ça bouge, non? Il me semble, si j'ai bien lu votre livre. Bah, oui, vous êtes en train de me dire que peut-être si j'étais cohérent avec moi-même, je devrais essayer de faire de la politique. Je sais pas, c'est une question. Ouais, mais bon, c'est... Oui, ça fait partie des choses possibles. Mais là, le livre vient de sortir, j'essaie de le promouvoir comme je peux, je suis dans une période, quelque part, de vacances, c'est-à-dire que j'ai beaucoup sué sur l'écriture de ce livre, qui m'a pris quand même un an et demi, et puis là, je jouis d'une période de repos, et puis on va voir, il y a des événements intéressants, par exemple, demain, on est le 1er mai, il y a le discours de Le Pen, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'il raconte, je vais voir si Sarkozy réussit définitivement à tuer Villepin avec l'affaire Clearstream. Moi, je m'amuse beaucoup du chaos politique dans lequel on est en ce moment, qui donne raison à toutes mes analyses, et puis ça bouge très vite, et ça commence à sentir la période, je dirais, de, comme on dit chez les Grecs, de kairos, quoi, les périodes où il se passe beaucoup de temps dans peu de temps. Et c'est une période qui est beaucoup plus intéressante que la période qu'on appelait la période de fin de l'histoire. Vous savez, la période où moi j'ai vu s'écrouler l'URSS, où on nous a dit en gros, c'était Fukuyama, quoi. Et ça, c'était une vraie période très déprimante. Je l'ai vraiment vécu comme une période de grande tristesse. Et aujourd'hui, ça bouge dans tous les sens, ça pète de partout, et je me sens plutôt enjoué, moi, par rapport à ce spectacle. Il y a l'Iran, il se passe plein de trucs. Alors, je suis désolé d'insister, mais tout à l'heure, votre plus beau rêve, comme votre pire cauchemar, c'était d'être dictateur. Concrètement, j'en reviens encore, politiquement, après la promotion du livre, j'ai bien compris que en ce moment, vous êtes occupé par ça, mais au bout d'un moment, les livres, on sait très bien que les écrits restent, mais ils restent dans des tiroirs. Une fois que le tiroir sera refermé, qu'allez-vous faire? Eh ben, je vais faire comme j'ai toujours fait dans la vie. Je vais compter sur le hasard et la chance, parce que tout ce que j'ai fait dans la vie, c'était toujours légitimé et motivé par des rencontres. Et je n'ai jamais eu aucun plan de carrière, parce que moi, je suis vraiment un type qui vient des années 70, où le but, c'était d'échapper à l'aliénation du salariat. Et j'attends de voir, quoi. Mais je suis ouvert à toute proposition. Et je crois quelque part en mon destin. Je me dis, j'ai pas fait tout ça pour que ça s'arrête maintenant. J'ai pas fait tout ça pour terminer animateur à la radio, quoi. Je veux dire, je suis optimiste et ironique. C'est pas un tout petit peu mystique de s'en remettre au hasard et au destin? Il faut être un peu mystique pour tenter pour vivre en dehors des sentiers battus et prendre des risques, et des risques même au niveau de la survie pécuniaire, quoi. C'est-à-dire que c'est quand on vous dit en gros tu boufferas plus demain, tu travailleras plus jamais, et tous les médias sont fermés et que vous savez rien faire d'autre, on vous dit en gros tu vas crever de faim. Et moi je rigole, je me dis ouais bah on verra. Et donc c'est quelque part je crois en ma bonne étoile. C'est Jacques le fataliste. Ouais, ouais, peut-être. Moi je crois en ma bonne étoile quelque part. Jusqu'à présent, vous savez, ça, moi j'ai commencé à bouger en 74. J'ai toujours fait n'importe quoi. On m'a toujours dit que ma démarche était suicidaire et que j'arriverais jamais à rien. Et tous ceux qui m'ont dit ça sont déjà au fond du trou, quoi. Je veux dire, et moi je suis toujours là. Et là, bah, j'étais mort, soi-disant, il y a 2 ans, après mon dérapage programmé et provoqué à complément d'enquête. Finalement, je suis toujours vivant. Là, j'ai encore fait un bouquin. Ce bouquin, finalement, s'est nourri de tous mes problèmes. Et si j'avais pas eu ces problèmes-là, je l'aurais peut-être pas écrit. Donc, l'important, c'est de transformer la merde en or, hein, comme un alchimiste. Donc, j'en ai fait un bon bouquin. Et puis, je vais continuer comme ça, à compter sur le hasard, le destin, la chance, les rencontres, et à faire de mon mieux. Et bah, j'aurai 50 ans dans 2 ans. Donc, ce qu'on appelle l'âge de la brute, vous voyez, c'est l'âge des choses sérieuses. Donc, j'ai plusieurs possibilités. C'est ouvrir un club de plongée sous-marine au Baléares, entrer en politique, me mettre à l'héroïne. Enfin, il y a plusieurs options, quoi. Et vivre sur le dos de ma femme. Et je ne choisis pas. Je fais comme un... Qui vivra, verra. Ouais, je suis comme un sportif. Je m'entraîne et j'attends qu'on me propose un combat, quoi. Exactement comme le boxeur, quoi. Nous sommes de retour avec Alain Soral. Nous allons terminer cet entretien avec un petit questionnaire dans l'au-delà. Je m'explique. Alain Soral, vous êtes mort, tout le monde est mort, vous arrivez, je ne sais pas où, dans l'au-delà, et on vous propose tous les jours un dîner. Vous avez le choix entre 2 personnes. On commence, premier jour. Villepin ou Sarkozy ? Villepin. Pourquoi ? Sarkozy, moi j'aime pas les traîtres. Il y a un truc, je suis quelqu'un de très moral. Je pense qu'un type qui est monté uniquement en trahissant systématiquement les gens m'intéresse pas, quoi. Ce mec-là mérite pas de me fréquenter. Alain Bachung ou Jean-Louis Murat ? J'aime pas trop ni l'un ni l'autre. Vous devez absolument manger avec un. Sinon vous mangez pas. Jean-Louis Murat parce qu'il vit en Auvergne et je voudrais qu'il me raconte comment on peut être un chanteur à succès, un peu rockstar, tout en vivant au fin fond de la campagne française. Bon, Francis Bacon, Jérôme Bosch. Jérôme Bosch parce que c'est un voyage dans le temps qui est plus attrayant, quoi. Enfin j'aime bien Bacon aussi, mais Bosch, là, je prends Bosch. Noël Mamère ou Besancenot ? Besancenot, parce que je voudrais qu'il me raconte ou vérifie à quel point il a conscience ou pas d'être entièrement sous contrôle et d'être entièrement un bouffon, un rabatteur de crétins de bac à sable et d'idiots utiles pour le Parti Socialiste. Adolf Hitler ou Joseph Staline ? C'est difficile, là. J'aimerais bien pouvoir aller dîner avec les deux, c'est quand même énorme. Il faut faire le choix. Je veux dire Oncle Joe, Joseph Staline. Oui, pour quelle raison, ce choix ? Parce que je suis persuadé que Staline était un beaucoup plus intellectuellement, pas du tout un crétin, et que je pense même que en tant que théoricien marxiste, il est très au-dessus de Trotsky, qui n'a jamais été capable que de signer des textes avec les surréalistes au Mexique, et qui était surtout un homme d'organisation, un homme de police. Et en fait, j'aimerais bien vérifier que Staline était un homme assez fin, assez intellectuellement fin, notamment par ses goûts musicaux. Dans le but de vérifier cette intuition qui est profonde chez moi. Mussolini ou Franco ? Mussolini, le plus drôle comme acteur. Franco, physiquement, je trouve un peu triste. Puis chez Franco, il y a le côté cato qui m'emmerde, alors que Mussolini avait un côté aventurier, type qui aime le cinéma, qui aime les États-Unis. Il est plus, plus émouvant, plus frais, quoi. On passe au cinéma. Oui, Julien Duvivier ou Jean Renoir? Ah, Duvivier. Jean Renoir, d'abord, j'aime pas tellement son cinéma, je trouve ça très surfait. La règle du jeu, c'est bien, mais c'est pas non plus aussi génial que ça. C'est, je crois que Pépé Boco, c'est largement aussi bien. Et puis, il y a chez Renoir ce côté François Truffaut de l'ancienne époque, là, c'est-à-dire la vache sacrée du cinéma culturel officiel qui pue un peu. Et puis, quand on se renseigne sur lui, il y a des périodes troubles de sa vie, qu'a bien d'ailleurs. Enfin, je vais pas dire dénoncer, c'est pas un joli mot, mais que Henri Janson les a bien pointés du doigt. Et j'ai rien contre Renoir, c'est un petit qui a beaucoup de talent, mais les renoiriens intégristes m'emmerdent, donc j'irai dîner avec Duvivier. John Huston ou Stanley Kubrick? Huston. Parce que depuis que j'ai lu l'enquête sur le Dahlia Noir, je sais que c'était un pervers sexuel notoire. Le type m'intéresse. En plus, il est très différent. Enfin, Kubrick, c'est le type qui a fait 12 films, je crois, qui est excellent d'ailleurs. Très grand cinéaste. Huston, c'est un type qui a fait, je crois, 63 ou 64 films. Il y aura largement autant de chefs-d'œuvre que chez Kubrick, mais dans des catégories très différentes. C'est un autre type de génie cinématographique, peut-être moins évident, moins visible, mais largement aussi balèze. Et moi, Huston, je cite très souvent comme le très grand cinéaste américain auquel on pense pas. Donc j'irai dîner avec Huston. Qui doit être sans doute plus rigolo en plus à table. Alors pour finir, Sacha Guitry ou Molière dans le cinéma ou plutôt dans le théâtre? Sacha Guitry, parce que Molière, j'ai jamais cru que c'était lui qui écrivait ses pièces. Non, je pense que c'est Corneille. Et c'est pareil, Molière, d'abord, s'y aime pas tellement comme théâtre, je trouve que c'est l'ancêtre du théâtre de boulevard, ça va jamais. Sacha Guitry a fait donner dans le boulevard aussi. Ouais, mais Sacha Guitry, il y a un côté France des années 30 qui a complètement disparu. Et le type est émouvant. Je crois d'ailleurs en plus que le grand spécialiste de Sacha Guitry, c'est Hugues Brunner, que vous ne le sauriez pas, qui a carrément donné beaucoup d'argent pour restaurer les films de Guitry. Et de savoir que Hugues Brunner est un passionné du cinéma de Guitry, ça me fait marrer. Et puis Molière, c'est pareil, je pense à Ariel Mnouchkine, à tous ces tocards qui s'extasient sur Molière. Molière était quand même... ça m'a jamais touché, moi, Molière. C'est un truc de bouffe, un peu, quoi. Pour finir avec le cinéma, Bergman ou Carl Theodor Dreyer? Dreyer, c'est celui qui a fait Jeanne d'Arc. Voilà. Je sais pas. C'est plus ancien, Dreyer, que Bergman. Bergman, c'est bien aussi, mais c'est pareil. Il y a un mystère, c'est des gens qui plaisent à ce point-là à la critique et réalisent une unanimité sur leur talent. Je trouve toujours ça suspect, moi. J'arrive pas à comprendre comment on peut plaire autant à tout le monde et être autant décrété génie de son vivant. Souvent, c'est... Alors, peut-être Bergman, alors pour voir comment était le mec en... Comment il... Je sais pas s'il est mort ou pas. Non, il est encore vivant. Pour voir comment est le mec en vrai, s'il a une distance, s'il a de l'ironie, s'il se prend pour une statue vivante. Bergman, voilà. Oui, alors Bret Easton Ellis ou Michel Houellebecq? Houellebecq, je le connais un peu. Bruce Ellis, je ne connais pas. Je vais dire Bruce Easton Ellis, puisque il y en a un que j'ai déjà rencontré et pas l'autre, quoi. Emmanuel Kant ou Aristote? Compliqué, ça. Kant ou Aristote? Je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait motiver peut-être Kant pour parler de sexualité avec lui. D'accord, en parlant de sexualité, Freud ou Lacan? Freud, je connais bien ses écrits. Lacan, c'est... Peut-être Lacan pour discuter avec lui, de savoir à quel point il était escroc, à quel point il méprisait ses fans, peut-être parce que je suis assez fasciné. Pour moi, Lacan, et ça a beaucoup à voir avec Raël, c'est les gourous, quoi, les types qui sont capables de créer de la fascination avec pas grand chose, parce que c'est pas grand chose dans Lacan en réalité, je crois, quand c'est traduit en français courant. Non seulement il n'y a pas grand chose, mais en plus c'est faux. Et comment ce type-là a pu régner aussi puissamment sur une école, un groupe de gens qui sont quand même des bourgeois cultivés, les roulés dans la farine à ce point-là. Ce type a dû beaucoup jouir, c'est ça qui est marrant. Je pense que c'est un grand pervers, et moi je suis pas capable de ça. Donc Lacan, ça m'intéresse. Ouais. Bobby Fischer ou Garry Kasparov? Ah, Fischer, absolument. Ce qu'il me raconte, Garry Fischer, c'est marrant. le génie juif des échecs américains qui se retourne contre l'Empire, qui se retrouve en prison au Japon, persécuté, obligé de demander la nationalité islandaise pour ne pas finir en prison. Le mec est absolument fascinant. Et là, c'est là qu'on voit qu'Aramal est une petite merde, parce que normalement, il devrait encore écrire des pages et des pages sur Bobby Fischer dans Libération. Or, je dirais que Bobby Fischer est à Aramal, ce que Solzhenitsyn est à Bernard-Henri Lévy. C'est dès lors qu'ils n'ont plus été d'une utilité totale sur le plan de la manipulation idéologico-politique, ils sont passés à la trappe. Or, c'est Fischer est plus intéressant aujourd'hui que jamais, et on n'entend plus jamais parler. Donc, évidemment, j'irai dîner avec Bobby Fischer, qui est. On savait que c'était un génie des échecs, mais c'est aussi un génie de la liberté. On vient d'apprendre, il y a 3-4 jours, que Garry Kasparov veut tuer Poutine politiquement. Il se présente là. Ben là, je comprends. De mon point de vue, ça n'a aucun intérêt, parce que moi, je suis un soutien inconditionnel de Poutine, qui, je pense, est l'homme qui redressera et sauvera la Russie. Et je pense que le monde occidental et le monde blanc, parce que je pense que ça existe, sera sans doute sauvé par les Slaves, ce qui est un mot démenti de la théorie hitlérienne. Et je suis un soutien inconditionnel de Poutine. Moi. Politique politicienne, Ségolène Royal ou Arlette Leguillé? Oh, je préfère Arlette Leguillé quand même, elle est plus émouvante. Elles sont aussi bêtes sur le plan de la culture politique et sur le plan cérébral, elles sont aussi limitées. Mais Arlette m'émeut plus. Mais c'est vrai qu'il y a des parallèles, parce qu'elles sont toutes les deux manipulées par des hommes. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est la météo. Ouais, on reprend. Arlette et la Ségolène, il y a un point commun, c'est qu'il y a des hommes derrière qui pensent pour elles. Elles sont des. C'est pas très féministe, quoi, tout ça. Elles sont finalement des speakerines. Hein. Noël Godin ou Ariel Wiesman? Ariel Wiesman, je le connais très bien. Je l'ai connu étudiant. En philo à Tolbiac avec une dent en moins, PD habillé néo-romantique et les yeux maquillés. Là aujourd'hui, je crois qu'il est animateur hétérosexuel talmudiste. Enfin, je veux dire, lui, je l'ai vraiment vu. Alors, j'ai vu sa descente aux enfers, lui. Hein, donc, quant à Godin, je le connais aussi, puisque je suis un des premiers à m'être intéressé à lui. On avait fait des articles sur lui à l'époque où je travaillais pour Ardisson dans la entrevue. L'anarchiste belge qui a une très grande culture du cinéma, mais il est infiniment plus frais et plus intéressant que Wiesman, qui est une petite merde. Ça mérite d'être clair. Alors Jésus ou Moïse? Jésus, je suis du côté des révolutionnaires et des réformateurs. Jésus, oui, c'est bon. J'ai même pas de distance critique par rapport à Jésus, mais il me hante malgré moi. Quoi. Guillaume Kinguem ou Didier Lestrade? Didier Lestrade, je connais très bien, donc j'ai pas besoin de le voir, parce que j'étais copain avec lui et son frère Lala au début des années 80. Je l'ai toujours appelé le Frollo des tapettes, le petit Torquemada des sodomites. C'est un type triste. Et d'ailleurs, j'ai pas d'agressivité envers lui, parce que c'est un type qui me fait de la peine. Quoi. C'est un mec qui souffre, c'est un psychorigide, qui a la haine du corps, de la sensualité, etc. Donc je préférais rencontrer Guillaume Kinguem, qui est un des héros du situationnisme, c'est ça, ouais. Car c'est très surfait le situationnisme, quand même. Kinguem, c'est celui qui est mort et qui avait écrit à ceux qui sont passés du Colmao Rotary. Excellent bouquin que j'ai lu. Et s'il n'était pas mort. C'est très gauchiste, hein, je serais con. C'est très courageux. Et puis il allume tous ses potes de 68 en tant que ce sont devenus des ordures, dont Serge Julie. J'aurais discuté avec lui justement de l'échec total de la cause homosexuelle, parce que je pense qu'il est un des premiers à l'avoir pressenti, quoi, qui termine dans Pink TV, et qui bientôt d'ailleurs, ce sera le dépôt de bilan de Pink TV, et la faillite économique du pseudo-lobby gay, ça sera une justice. Donc effectivement, il y a gay ou gay. Alors pour finir, on va finir par quelque chose d'un peu. Ça va être difficile à mon avis, vu que votre avant-dernier livre était dédié à Robert Wyatt, et celui-ci est dédié à Kevin Coyne. Alors si vous devez manger avec un seul, lequel? D'abord, Kevin Coyne est mort. Oui, non, mais on est tous morts, là. Depuis tout à l'heure, il y a des morts, hein, quand d'accord. Même. D'accord. Wyatt, à mon avis, est un plus grand musicien, plus éclectique, plus complet que Coyne, qui est surtout une voix. Donc je choisirais Robert Wyatt. Moi, j'aime beaucoup Kevin Coyne, parce que j'ai beaucoup opposé ce genre de chanteur, par exemple, à Bob Dylan, que j'ai jamais aimé. C'est comme Charlie Chaplin, c'est des faiseurs, c'est trop sophistiqué, c'est trop malin, c'est des chanteurs pour étudiants. Ça. Moi, je n'ai jamais été étudiant, j'ai toujours détesté les étudiants. Et moi, j'ai toujours choisi un peu des petits maîtres contre des grands maîtres officiels qui m'emmerdent. Alors, j'adorais Kevin Coyne, parce que je le trouvais beaucoup plus émouvant. que Dylan, ce qui est un peu vicieux comme démarche, parce qu'il est sans doute que Dylan est un mec très important dans l'histoire de la chanson pour jeunes, quoi. Donc voilà pourquoi j'aime bien Kevin Coyne, mais pour moi Williatt c'est mon bonhomme, c'est-à-dire que je pense que je me sens très très proche de Robert Williatt et je trouve que l'univers de Williatt est la transposition du mien dans le monde de la musique, c'est-à-dire que je sens vraiment que c'est une âme sœur, comme on dit, c'est-à-dire que je me sens, c'est le mec avec qui je me sens le plus en phase étrangement au niveau de la sensibilité. Est-ce que c'est parce qu'il a écrit une chanson qui s'appelle Staline Wasn't Staline? Même pas, mais que ce type-là qui a été un héros de la pop musique anglaise et qui a été un peu dans les trucs un peu surréalistes, néo-lipien quand il faisait Soft Machine, et évolué pour finir stalinien musulman, je trouve que c'est très cohérent. Quelque part, ça me le rend très sympathique et je trouve que c'est profondément cohérent, contrairement à ce que ne comprennent pas les gens qui comprennent jamais rien. Et le type, surtout à 60 balais, est toujours aussi génial, quoi. C'est-à-dire qu'il sort un disque excellent tous les 4-5 ans. C'est pour moi le Chopin de la pop musique, quoi. C'est très grand. Et d'ailleurs, bon, c'est un avis qui est unanimement partagé par les balais en musique et en musique pop, hein, parce que c'est une catégorie qui sont tous d'accord pour dire que Robert Williatt est un des plus grands, et un des plus grands chanteurs, un des plus grands compositeurs, un des plus grands mélodistes, un des plus grands arrangeurs, un des mecs qui s'est mieux servi de ce qu'on appelle le mixage et de tout ce qu'a apporté la pop musique moderne. Et c'est même Björk récemment d'ailleurs l'a fait chanter sur un disque, parce qu'en plus c'est un mec qui a une voix inouïe, qui chante avec une justesse et une sensibilité incroyable. C'est un peu le Chet Baker de la pop musique sur le tard, hein, tu sais. C'est à mon avis le plus grand. Voilà.